Annonce 2. Mesdames et messieurs, le magasin ferme ses portes dans 15 minutes. Merci de vous diriger vers les caisses.